On va parler de la NBA, c'est la chronique NBA avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pascal, je veux te parler de. Je voulais t'en parler avant les fêtes, mais finalement, ben, on s'en est parlé un petit peu dans la rétrospective de l'année, mais c'était pas vraiment le moment. Mais là, on va s'en parler. Il y a eu un article avant les fêtes sur Basketball USA où on se posait la question, est-ce que LeBron James pourrait battre Abdul-Jabbar. LeBron est rendu au-dessus de 33 000 points. Je pense qu'Abdul-Jabbar est 38, c'est 38 000, c'est le record. Est-ce que tu penses que LeBron pourrait battre Abdul-Jabbar? Je voudrais qu'il joue encore, pense, 5 ou 6 saisons après que j'ai presque 30 points par match. Là. OK. Ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est prêt, ça va être difficile de battre la machine qui était Kareem Abdul-Jabbar. Mais si quelqu'un peut faire quelque chose de ça, c'est bien LeBron James. OK. Mais est-ce que Jordan, ben c'est sûr que Jordan l'aurait probablement battu s'il n'aurait pas été au baseball, Même là, je suis pas sûr. hein? OK. C'est ça, c'est vraiment un statistique qui est quand même très difficile à atteindre. OK. Jabbar, Jordan puis Jabbar, c'était des gars qui étaient des marqueurs, un peu comme Kobe Bryant. Je veux dire, ils étaient payés pour faire. Ils ont eu beaucoup de saisons de 30. Jordan a eu des saisons de 35 points par match. Et LeBron, c'est drôle parce qu'on ne parle jamais de LeBron James comme un marqueur, là, que c'est juste ça qu'il fait. Fait que c'est quand même impressionnant ce que LeBron James a pu faire. C'est un petit peu. Ces années, on comprend bien plus LeBron à Magic qu'à Jordan. Tu OK. comprends? OK. Je ne sais pas ce que je veux dire. On Ouais. compare bien plus Kobe à Michael Jordan. OK. Mais Kareem est assez unique avec ce qu'on appelait le sky hook, le hook shot qu'on dit, mais Kareem, et lui, je pense qu'il a joué plus de presque 20 saisons dans la NBA. L'avantage, comme tu as dit, Jordan a manqué 2 saisons. LeBron, il n'est pas blessé, donc quand tu es capable d'avoir une carrière sans vraiment blessure ou tu es absent pendant 1 an ou 2, ça aide beaucoup à aller chercher. OK. Mais tu regardes Vraiment. ça, c'est-tu parce que c'était plus offensif? C'est-tu parce que c'était plus offensif dans le temps d'Abdul-Jabbar? Est-ce que c'était plus. J'aime pas mélanger les générations. J'aime Ouais. pas. Tu sais, Jabbar, il avait 3 points, vraiment. C'était pas un. Si tu penses que Jabbar, si on regarde ça, si on dit, tu sais, LeBron, beaucoup de ses lancers, puis Kobe, puis même Jordan, il y a eu des 3 points dans son ça. Jabbar, il a fait 38 387 points de 2 points. C'est impressionnant. On n'a pas ça de nos jours, un centre qui marche comme ça. Mais tu sais, c'est incroyable pareil quand tu regardes ça. C'est la longévité et sans être blessé puis performer aussi, là. Si on parle LeBron est quand même à presque 10 000 points derrière Ben là, il est à Curry. 33 000. Comment? Il est à 33 000, là, LeBron. Autour de 33 000. Ben, je pense que Jordan il a fini à 32 292. C'est un OK. stat que j'ai en Non, moi. il est à 30 000, LeBron. Excuse-moi. On dit que Jordan. On dit que. J'ai l'article devant moi, là. Bon. On dit que d'ici 2020, il va battre Chamberlain, Jordan et Bryant. OK. Ça Fait fait du sens. que. Ça fait du sens. Est-ce qu'il va aller chercher Carmelo qui est à 36 000 points? Ça va être intéressant de voir ça. Ça Puis va être. Kareem. Mais c'est. Moi, ce que je trouve le fun, Danny, c'est qu'on parle de Carmelo Anthony, qui est un marqueur exceptionnel. Puis on parle de certains joueurs. Puis LeBron, il nous a tout surpassé. Il nous a tout surpassé. Si on prend la liste des top 10, là, tu l'as Ouais. dit, le seul joueur qui joue en ce moment, c'est Dirk Nowitzki. OK. Il est à 30 721 points. Mais les autres, c'est Will Chamberlain, Michael Jordan, Brian, Karl Malone. Et Karl Malone, il faisait juste ça. Dunker le ballon, ranger des points, puis des rebonds. T'sais. LeBron, il fait tout. Là. C'est exceptionnel. C'est son leadership aussi. Donc, pas mal. Après. Pascal, date limite des transactions, ça s'approche bien vite dans la NBA. Prévois-tu beaucoup de transactions? C'est intéressant ce que tu dis. J'ai entendu hier que les Celtics avaient un genre d'exception d'à peu près 8 millions. OK. Il parlait de Tariq Evans. Ça, c'est sur le cap, si tu parles, là. Oui, ouais, c'est ça, à cause de la blessure de Gordon Hayward. Oui. Il serait peut-être capable d'aller chercher un joueur qui est sur sa dernière année de contrat. OK. Tariq Evans, c'est tout un joueur en ce moment. Là. Vraiment, vraiment intéressant de voir. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent ce joueur-là. OK. C'est un arrière, mais très fort physiquement. Il fait une très bonne saison. OK. Maintenant, la rumeur que j'ai entendue, que je voulais te parler, c'est DeAndre Jordan des Clippers. Oui, parce que les Clippers, ça va pas bien. Hein. C'est une. On peut-tu parler de déception? Ben, absolument. Oui, hein? Mais est-ce qu'on est surpris après le Clippers pour l'équipe? Oui, on dit que c'est l'équipe de Blake Griffin. Puis en plus, Blake Griffin n'a pas mis de blessure cette saison. Moi, je pense que du côté des Clippers, si on décide de faire certaines échanges, on parle d'aller chercher Iman Shumpert, Tristan Thompson, Kalin Fong. Et où ça bug, Danny, c'est qu'on veut le premier choix de Cleveland, qui ont reçu des Nets de Brooklyn. Oh, c'est ce que ça va être un excellent choix, là. Mais, exactement. Maintenant, est-ce qu'on... Si on veut garder LeBron, je pense qu'il faut aller chercher DeAndre Jordan. OK. Ça, c'est mon opinion. T'ajoutes DeAndre Jordan, LeBron reste, tu re-signes Isaiah Thomas, tu gardes LeBron jusqu'à la fin de ta carrière avec Cleveland, je suis pas convaincu. Parce que c'est quand même... Isaiah Thomas, un jeune joueur qui est quand même exceptionnel. DeAndre Jordan, c'est le joueur intérieur défensif qui ont besoin pour compétitionner contre les Warriors, les Rockets, exemple, et contre Toronto et contre les Boston aussi. OK. Ils ont besoin, ils ont pas, c'est pas Kevin Love qui est capable de faire la job. Oui, pendant la saison, pendant les matchs, ils ont besoin d'un joueur défensif. Tu sais, avec le basketball de 2017, quand un joueur comme DeAndre Jordan qui finit, qui donne sur tout le monde, quand t'attaques le panier, tu dois rester avec lui, donc t'es capable de faire la passe pour les trois points. Parce que tu sais très bien que le basket moderne, c'est la trois points. OK. Pascal, les Raptors, tu t'attends à quoi? Je m'attends à une finale. Non, mais je veux dire, tu t'attends à quoi? Est-ce que les Raptors vont bouger durant le... Non, absolument pas. Non? Ou même pas des joueurs de shooting, on pourrait dire? Renforcer le banc, c'est pas quelque chose qui pourrait... Ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient à faire. OK. Ils ont cherché les vacants, les joueurs qu'ils avaient besoin, ils ont échangé Tucker, ils ont développé Van Fleet, le meneur. Écoute, ils ont CJ Miles, ils ont été chercher des Pacers. Je pense qu'ils ont l'équipe. Écoute, 28-11, deuxième place dans l'Est. Ouais. Je pense pas que tu as besoin de faire quelque chose. Toronto est où ce qu'ils devraient être en ce moment. Ils ont vraiment le personnel qu'ils ont besoin. La différence, c'est que Toronto, eux, veulent gagner l'Est. Pas le championnat NBA. Ouais. Cleveland veulent gagner le championnat NBA. C'est pour ça que je m'attends à voir Cleveland bouger. Je m'attends à voir Boston aller chercher un joueur. OK. Un vétéran qui peut vraiment les aider en ce moment. OK. Je pense pas qu'il va y avoir énormément d'action au niveau des échanges cette année, Danny. OK, OK. Pascal, je t'entends moins bien que d'habitude, on fait des entrevues sur Skype, mais là, je t'entends moins bien. En terminant, je veux te parler du match des étoiles. Qu'est-ce que tu t'attends du match des étoiles? Est-ce que tu peux... C'est un petit peu comme le baseball. Hein. C'est pas le baseball, mais le hockey, c'est plate. C'est vraiment quelque chose. On est là pour les commanditaires d'Atit. C'est des matchs de 150 à 145 et ainsi de suite. Là. Ben, le match en lui-même, c'est un match d'étoiles. Tu peux pas te blesser. Tu veux pas jouer une défensive trop dure. Peut-être la fin du match est intéressante parce que les équipes veulent gagner. Il y a un bonus, il y a un chèque de plus, quelque chose comme ça. Mm. Mais cette année, Danny, il y a une nouvelle formule. Okay. Les deux joueurs qui ont le plus de votes, si je me trompe pas, vont chacun avoir une équipe et ils vont repêcher les joueurs qui veulent. Ouais, un peu comme on l'avait fait dans le hockey, puis on a fait ça aussi dans le football aussi, il y a quelques années. C'est moi qu'on cherche toujours dans ces événements. Ouais, regarde. Le match des étoiles, c'est un repos. Pour les commanditaires, c'est beaucoup pour les commanditaires aussi. Oh non, mais c'est aussi pour donner un repos. Les joueurs au hockey, ils ont quoi, 6 ou 7 jours de repos. Ouais. Il y en a qui sont toujours là, ils sont contents d'être là, mais les autres joueurs qui restent chez eux sont bien contents de se reposer avec leur famille. Mm. En ce moment, ce qui m'a surpris dans les premiers votes qui ont sorti, c'était The Greek Freak qui menait tous les joueurs NBA. OK. Sa popularité, elle est rendue très, très... Ça, c'est les Bucks de Milwaukee, ça. Ouais, c'est le joueur de Milwaukee Bucks. Ouais. Giannis Antetokounmpo, j'essaie de dire son nom. Ouais, effectivement. Mais c'est le fun pour les spectateurs. La NBA fait un spectacle. Ils font une fin de semaine assez spectaculaire. À Los Angeles, cette année, je me trompe pas. Ouais, c'est à Los Angeles, oui. Ça va être, ils vont avoir des célébrités comme j'avais vu, parce qu'ils sont déjà là. Ouais. Mais, comme d'habitude, je vais regarder les événements du vendredi soir. C'est samedi soir. La NBA, comme le match des étoiles du hockey, c'est les concours d'habité. Au basket, c'est le concours du dunk. Et au baseball, c'est pas mal partagé. Là. Le concours de coups de circuit, ça attire beaucoup. Mais le match des étoiles, étant donné que c'est un sport individuel également dans un sport d'équipe, ça aide aussi à la popularité. Pascal, on va couper ce cours parce que comme je t'ai dit, j'ai de la misère à t'entendre. On va s'en reparler dans deux semaines. On va revenir sur Skype, je pense, sur Facebook. Ça n'a pas été très, très concluant. Fait que, on s'en reparle dans 15 jours. OK. C'est la chronique de NBA avec Pascal Jobin.